cacahuète me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la cacao, mamie cacao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Caliban, mamselle son long me traite de con. Bonjour, on est sur Radio Game Ozo, 107.fm, 03 29 62 40 40. Merci. Oui, comment s'appelle notre émission, Nicolas ? Radio Game Ozo. Oui, mais notre émission. Les ados. Les ados. Voilà, les ados. Alors, tout le monde va bien aujourd'hui ? Oui. Oui. Oui. Oui. C'est timide aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, la dernière émission... Nous avions une chanson de terre qui était Four Non Blonde, What's Up. Personne n'a appelé, voilà. Donc aujourd'hui, ben, il y en a une nouvelle qui a été choisie par Steven. Alors on l'écoute tout de suite. Et après on se présentera. T'as des problèmes, Marie ? Toutes celles qui portent la frange à la quête mousse. Coming now. J'entre coast, boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. J'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas, mais ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blondasse au téléphone me dit je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent le dance floor. ramenèrent. Main. Oh, quelle ambiance. C'est la fête là dans le studio. Hein. Oui. Donc on ne s'est pas présenté. Alors on va faire un tour de table parce que nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel. Parlez pas tous en même temps. Hein. Oui. Ah. Christopher. Bon, alors Christopher, ensuite. Bonjour, je m'appelle Camille. Je m'appelle Nicolas, bonjour. Oui, ensuite. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à rescousse. Alors bonjour, je m'appelle Benoît et donc je travaille sur le groupe des ados à l'IME et au collège du Toli. Zididi, voilà. Bonjour. Bon. Bonjour, je m'appelle Zinedine. Zididi. Oui, ben, tu vas plus vite, toi. Et en technique, nous avons... Juliana, bonjour. Tu es avec qui, Juliana? Avec Marion. Et Christopher. Et Christopher. Je suis là. Christopher 2, alors on va dire. Hein? Une 2, Christopher. On va appeler 2. Vous êtes content de recevoir Benoît, je crois. Oui, ça va? Non, bah, ça me fait plaisir. Plein de questions à Benoît à poser. Oui, je sais que tu es impatient, Christopher. Ça va être du lourd. 8 questions. Alors, Nicolas dit que ça va être du lourd. Je m'attends à tout. Et voilà, bien sûr. Alors, attendez. On ne coupe pas la parole, hein. Je vous rappelle. Voilà. Alors, c'est Juliana qui va commencer. Tu peux t'approcher du micro, Juliana? Merci. Quel est ton parcours? Quel est mon parcours? Alors, mon parcours professionnel, Juliana? Bah oui. Alors, mon parcours professionnel. Eh bien, je suis sorti de l'IRTS, donc le centre de formation pour éducateurs, en 2010. Je commençais le parcours à partir de là. Donc après ces études-là, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc c'est un centre d'hébergement qui accueille des personnes sans domicile fixe, des personnes SDF. J'ai travaillé plusieurs années en CHRS. Après, je suis parti, j'ai voyagé en Mongolie où j'ai travaillé pour une ONG. Donc, on va dire une association qui s'occupait d'enfants, des enfants qui vivaient dans la rue. Donc, j'ai travaillé un petit peu avec eux, j'ai voyagé et en revenant, j'ai repris mon travail toujours avec des personnes SDF, mais en accueil de jour et ce qu'on appelle le SAMU social. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le SAMU social. Non, vous ne savez pas? Alors, le SAMU social, c'est une équipe, vous le voyez certainement des fois à la télé, surtout l'hiver, pendant les périodes hivernales. C'est une équipe, soit d'éducateurs, soit de bénévoles, de travailleurs sociaux, qui vont dans les rues, à l'aide souvent d'une camionnette qui est aménagée et qui permettent, en tout cas, qui essayent de trouver un hébergement, de la nourriture aux personnes qui sont sans domicile fixe, qui vivent dans la rue. Donc voilà, je travaillais plusieurs années dans ce service-là. Et puis ensuite, je suis venu dans les Vosges pour m'installer avec ma compagne. Et rapidement, alors j'ai travaillé dans un autre IME. Et puis ensuite, je suis arrivé à l'IME de Saint-Amé. Et maintenant, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans que je suis à l'IME avec vous. Voilà à peu près mon parcours. Alors, Benoît a un beau parcours. Hein. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il vient de dire? Il était en Mongolie. Mongolie. Bien, Juliana. Et du fin de la rivière. La sociale de l'éducateur. Il travaille dans un autre IME. Oui, bien. Il fait depuis 3 ans qu'il est à sa famille. C'est très bien. Oui. Et les autres? Il était en Mongolie. Ah, ça vous avez retenu, ça vous intrigue. Il a dû se promener beaucoup. Il est arrivé en Vosges. Dans les Vosges, oui. Avec sa compagne. Avec sa compagne. Qu'est-ce qu'il a fait, Benoît? Il a fait tellement de choses que... Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé immeuble après. Ah bah oui, ça fait 3 ans qu'il a dit. Et toi, qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce qu'il a dit, Benoît? Alors, Zinedine peut-être... Ça pas écouté ce qu'il a dit, Benoît. Eh bien, joli parcours pour Benoît. Ensuite... Moi, une question. Oui. Veux-tu faire un autre enfant? Tu parles dans le micro. As-tu faire un autre enfant? Est-ce que je vais faire un autre enfant? Ben écoute, je ne sais pas. Dans l'immédiat, j'ai déjà 2 filles merveilleuses Et pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ok. Ensuite, vas-y, Zinedine. Benoît peut t'aider, alors, si tu veux. Hein. Débutant. Où est-ce que j'habite? Oui. Alors, j'habite à Rochesson, un petit village pas très loin d'ici. Vous connais Zinedine, Rochesson? Ah, oui. Tu vois où ça se trouve? Non. Non. Alors, c'est pas très très loin, bah, c'est quand on monte vers Gérardmer. Je crois que je crois me souvenir que t'habites à Gérardmer, toi. Ouais. Bah, c'est pas très loin. Merci, Camille. Attends, parle dans le micro, Nicolas. Ça a 10 kilomètres. Ça a 10 kilomètres, à peu près, oui, je dirais ça. Tu vois, tu le sais mieux que moi. Ok. Ensuite, à qui? Steven, vas-y. Steven, je t'écoute. Ok. Aimes-tu ton travail? Alors oui, j'aime beaucoup mon travail. J'ai pas du tout envie de changer dans l'immédiat de travail puisque ça me plaît avec vous en IME. Voilà à peu près. Est-ce que j'aime travailler avec vous? Est-ce que tu peux développer un peu la question? Est-ce que j'aime le travail d'éducateur en général? Le travail d'éducateur? Ah, le travail d'éducateur, alors oui, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, c'est pas toujours reposant, mais en tout cas, ça me plaît vraiment beaucoup, et particulièrement cette année avec vous. Alors, oui, vas-y. Joues-tu au basket? Alors, eh ben, je joue au basket uniquement à l'IME avec vous en cours de récré. Sinon, j'en fais pas à la maison. Okay. Joues-tu au foot? Eh ben, ça va être pareil. Les seules fois où je joue au foot, c'est avec vous à l'IME. Voilà. Mais sinon, je crois que tu sais, Christopher, je suis pas un grand fan. Je vais me faire des ennemis peut-être à la radio. Mais je suis pas un grand fan de foot, mais j'aime bien jouer avec vous. Oh, bah dis donc, on n'entendra pas Mbappé. Alors, je l'entends déjà assez chaque jour. Allez-y, hein. Corinne, puis moi, je Nicolas, tiens, pose-toi. Ouais, tu m'en poses pas beaucoup des questions. Fais-tu le ménage? Est-ce que t'es une poule? Est-ce que je fais le ménage? Oui, je fais le ménage. Oui. Ça m'arrive de faire le ménage. Alors bon, je suis pas un grand maniaque, mais je fais le ménage quand même pour que ça soit propre chez moi, oui. Parle dans le micro. Vas-y, Camille. Vas-tu à la patinoire? C'est très rare. Bah, c'est pareil, la dernière fois que je suis allé à la patinoire, c'était avec l'IME. L'année dernière. Mais sinon, ou alors, j'aime beaucoup le hockey. Le hockey sur glace, c'est un sport. C'est cool. Et donc, du coup, ça m'arrive d'aller voir l'équipe d'Épinal jouer. Ça fait un moment où je ne suis pas allé. C'est qui? Ah, Nicolas, vas-y. Vas-tu au restaurant? Alors, avec ta famille? Oui, j'adore aller au restaurant avec ma famille. Alors, j'y vais pas tout le temps non plus, parce que sinon ça coûte cher. Mais j'aime beaucoup aller au restaurant, à la fois avec ma famille, avec mes amis. Ouais. T'aimes bien toi, Nicolas? Oui. Avec ta famille? Oui. Tu y es allé, je crois, dimanche dernier d'ailleurs. Oui. C'était bon? Oui. Oui, des chiens. Moi, j'ai une question. Alors, vas-y, Christophe. As-tu des poules? Est-ce que j'ai des poules? Oui, j'ai des poules. J'ai 3 poules. Ah. Et j'ai 2 coqs. Un coq, pardon. J'ai plus le deuxième, mais voilà. Un coq et 3 poules. Vas-tu au cinéma? Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. J'aime beaucoup aller au cinéma. Mais ça fait très très longtemps, oui, que je suis pas allé. Ouais, est-ce que tu y vas? Jamais? Non. Avec l'IME, des fois, tu... Moi, une fois, je me rappelle. Ouais. Une ou deux fois dans l'année, je crois. Ah, mais au moins une fois par an. C'est popcorn. Ah oui, on a tout mangé. Ils ont tout mangé les autres. Christopher, c'est le popcorn qui te marque le plus. Ouais, le film aussi était bien, mais ils ont tout mangé mon popcorn. Tu te rappelles? C'était quel film? C'était Zombie Millennium. C'est pas Christopher qui posait la question? Zombie Millennium. Ouais. Ils ont tout mangé tout mon popcorn. Donc ça date. Tu l'as fait de Christopher. Benoît est écolo, pourquoi? Allez, vas-y. Pourquoi t'es écolo? Pourquoi je suis écolo? Alors, qu'est-ce que t'entends par être écolo déjà? Qu'est-ce que c'est pour toi? Recycler les ordures. Recycler les ordures, wow. Ok. Ah bah ça va, alors ça fait beaucoup d'écolo, je pense, déjà. Le fait, ça, quand même. Prendre qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles, tout ça? Bah oui. reprendre, alors faire le tri. Mettre des toilettes sèches. Oui, c'est ça aussi qui t'intrigue. Alors, c'est parce que j'ai expliqué le fonctionnement d'un toilette sèche que je peux avoir chez moi. Et après, ça va. Alors, je pense, et ben du coup, pourquoi je serais écolo selon toi? Je pense que c'est important de préserver la nature, de faire au mieux pour pas qu'on la pollue, pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Et donc du coup, ben, par exemple pour les toilettes sèches, ça c'est quelque chose qui t'intrigue beaucoup depuis qu'on en a parlé. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir recycler tout ça, en faire du compost, ce que tu vas apprendre bientôt, je pense, en espace vert, à la CIFPRO. Et de pouvoir en faire du jardin et éviter d'utiliser, par exemple, je crois qu'une chasse d'eau, je ne sais plus, mais c'est une bonne dizaine de litres, si je ne dis pas de bêtises, voire même plus. Je crois que c'est 13 ou 14 litres par chasse d'eau, donc c'est énormissime. Donc voilà, moi je fais en sorte de pouvoir au moins à petite échelle préserver un petit peu tout ça, préserver la nature, l'environnement. Et puis c'est ce que je t'ai déjà expliqué, on en a déjà parlé, c'est important aussi pour vous, parce que c'est pour l'avenir et que... Vous allez grandir dans un monde, ce serait bien de pouvoir le préserver au maximum pour que vous puissiez bien vivre. Okay. Voilà pourquoi. Et puis c'est en plein essor, les toilettes sèches que ça fait. Hein. Et pourquoi? On va manquer d'eau, les gens qui habitent en extérieur, dans les campagnes et tout. Eh bien, les sources, l'eau, elle a du mal à remonter à niveau. En plus, tu faisais... Toilettes sèches. Ah ouais. Moi j'ai déjà fait l'expérience, j'aime pas. T'as déjà fait l'expérience. Ah, c'est mon père. C'est ton père. Il a des toilettes sèches. Oui. Ah, mais ça, tu ne l'avais jamais dit. Ça te fait rire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Zinedine? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, tu sais pas trop. Je pense que c'est pas les toilettes auxquelles tu penses, Christophe. Non, oui, je ne pense pas. C'est quelque chose de très propre. Et ça ne sent pas. Et ça ne sent pas du tout, contrairement à des toilettes ordinaires en général. Si c'est bien entretenu, c'est plus propre, enfin, au final. Plus propre pour toi, pour la nature. Il y a des toilettes sèches, enfin des minima, parce que t'es quand même dans un petit confort chez toi. Hein. Mais ce serait bien que tu vives des expériences comme ça. Moi, c'est bon, je suis allé en colonie, moi. Oui, mais pas comme je pense là. Hein. Bon, allez, continuez vos questions pour Benoît. Fais-tu du jardin? Oui. Es-tu marié? Alors, non, je ne suis pas marié. J'ai une compagne, mais je ne suis pas marié avec. Juliana, t'entends pas, Juliana? Quel âge as-tu? Alors, quel âge j'ai? 32 ans, je vais avoir 33 ans dans une semaine. Un peu plus d'une semaine, j'aurai 33 ans. Ça veut dire quoi, ça, Juliana? Alors, Juliana, tu veux dire que ça fait beaucoup? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, est-ce que vous pensez que c'est vieux? 32 ans. C'est jeune encore. Moi, j'ai 35 ans. Merci, Nicolas. Vous avez le droit de dire la vérité. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Comme Corinne. Merci, Juliana. C'est pas tant, là. Je vous avais déjà des idées. Allez, hop. Allez, continue, Juliana. Encore une. Vas-y. Ta date de naissance. Ma date de naissance. Ah ben, je vous disais que c'était bientôt. C'est bientôt. Le 2 juin. Le 2 juin 86. Oh. Ça fait vieux, dis donc. Non, la date 90. Ah, je m'y attendais de la part de Christopher. Comme quoi. Ah non. Moi, je suis pas né en 86. Hein. Avant. À 86. Un tout petit peu avant. Ça, c'est pas elle. 86, c'est vieux de télé, on l'avait avant. C'est les années Kennedy, ça. Là. Kennedy. Kennedy, non. C'est quoi Kennedy? C'est le président d'Amérique. Oh bien, Christopher. L'ancien président de l'Amérique. Tu me mets pas des fois. Hein, c'est bien. Vas-y, Juliana, tu peux continuer. Mets-tu du parfum? Est-ce que je mets du parfum? Est-ce que vous avez déjà senti si je sentais le parfum? On sent pas, et pas non. Non. Alors ça m'arrive d'en mettre. Vous parliez de restaurant, par exemple, j'aime encore bien. Oh bah c'est gentil, Nicolas. Ils sont pas bons. Mais ça m'arrive d'en mettre un petit peu, oui. Ça dépend. Et vous, est-ce que vous en mettez? Parfois. Moi non, moi je Timothée n'est pas là aujourd'hui, c'est bien dommage, parce que je sais que lui, il en met. Il sent régulièrement le parfum. Camille, okay. Tu en mieux moi. Sait. Moi, alors, quel est ton parfum, Camille? Tu peux parler dans le micro? Comment il s'appelle? C'est du parfum ou du déo? Du parfum. Ah oui, bah, oui. M'agresse pas, alors. Comment il s'appelle? Bon, on va dire fleur de printemps. Fleur de printemps. Et Christopher? Je sais plus le nom, mais j'en mets pas beaucoup. J'en mets juste pour les fêtes de Noël, pour sentir bon dans dessous des bras. Ah, c'est vidéo. Ouais. Parfois, j'en mets sur le corps. Allez, pour sentir bon et hop. Vous avez même pas demandé à Benoît. De quoi? Bah, le nom de son parfum. C'est quoi le nom de ton parfum? Alors, le nom de mon parfum, c'est Euphoria. Je connais pas, j'étais mort. Calvin Klein. Ça fait de la pub, ça. Calvin Klein. Je suis étonné, Christopher, il est pas dit, oh, ça coûte cher, ça. C'est quoi, c'est une... C'est une marque, elle, donc, là. Je la connais pas, j'ai jamais vu la tenue. Je connais pas. J'ai jamais vu de pub sur ça. Calvin Klein, Hugo Boss, tout ça, tous ces gens-là. Moi, ouais, je connais Scorpion, moi. Scorpion. Ah, bah voilà, allez, tu vois ça, que tu l'as retrouvé. Scorpion. Allez, on change des questions. Allez, continuez. Moi vas-y. Fais-tu du jardin? Oui, je fais du jardin. J'aime beaucoup faire le jardin. Ça va te perdre vu que tu disais que j'étais un écolo, forcément. Mais je fais le jardin. Non, j'aime beaucoup faire le jardin parce que ça me permet aussi de savoir ce que je mange. Et puis j'aime beaucoup ça. J'aime bien. Alors, comment fais-tu ton jardin, Benoît? Est-ce que tu le retournes à la bêche? Ou comme aujourd'hui ça se fait, les gens ils mettent seulement la paille au-dessus et puis ils plantent. C'est grand. En général, je le retourne parce que j'oublie toujours tous les hivers de pailler. Et donc, je suis obligé tous les débuts de printemps de retourner la terre. Voilà. Ouais. C'est, Christopher, tu es satisfait de la réponse? Ouais. Ouais. Oui. Alors, Benoît, il retourne son jardin ou il le paille? Il retourne début printemps, j'entends. Ah, bien, c'est très bien. Ah, c'est bien. Vas-y, Zinedine. Je vois que t'as une question. Zinedine. T'es laid de vue, toi, hein? Alors, est-ce que je lis des livres? Ça m'arrive de lire des livres. En ce moment, je ne lis pas beaucoup, je dois avouer, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais ça m'arrive de lire des livres. J'aime beaucoup lire. Merci. T'as une question? Est-ce que j'ai une console? Eh ben non, j'ai pas de console chez moi. Je suis pas trop console, moi. C'est pas mon truc, mais même quand j'avais votre âge, au final, je préférais aller jouer dehors que jouer à la console. Je vois la grelotte. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Et vous en avez? Ouais, oui. Moi j'ai la Switch. Moi j'en ai 4. Ouais, moi. Faites pas de pub. Moi j'en ai 4. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais avec autant de consoles? Ils sont dans je vais les mettre dans ma chambre, les 4. Camille, tu joues toi à la console? J'en ai pas. Ouais. Bah c'est très bien. T'as une tablette? Et toi, Juliana? Moi j'ai une tablette. Une tablette? Ok, bah oui, c'est sûr. Moi j'ai la Switch. La Switch. Ouais. Oui, parce alors, tablette, des consoles, okay. J'ai le petit stylo. As-tu un vélo? Alors, oui, j'ai un vélo. Oui. J'ai un VTT qui est très lourd et qui est pas de bonne qualité. Et du coup, mauvaise qualité. Je vais bientôt en avoir un nouveau. Parce que du coup, c'est bientôt mon anniversaire. Mon anniversaire. Ouais. Mon anniversaire aussi, j'en aurai un. Ah, bah, tu vas voir qu'est-ce qu'il va avoir conquis de bonheur. Ouais, tout le monde le saura maintenant, tu vois. Bon, c'est pas une surprise. Une voiture électrique. Ah non. Oui, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée? On va dire le vert, ça va être dans le thème de... Ah, Christopher, ça le fait, ça. Oh, j'aime bien le vert, moi j'aime bien un peu toutes les couleurs, moi j'aime bien quand c'est coloré. Ah, moi, j'ai une question. Allez, Nicolas, et après on fait la première pause. Fais-tu de la piscine? Vas-tu à la piscine? Alors, je vais à la piscine déjà au moins une fois par semaine avec les enfants de l'IME. Donc, il n'y en a pas au niveau du groupe collège, mais plus, voilà, bah, si, y a sur votre groupe, il y a plusieurs enfants qui vont à la piscine. Donc, avec l'IME, je les accompagne. Et puis, ça m'arrive assez régulièrement d'aller à la piscine avec mes filles. Voilà, les dimanches. Vous y allez quand vous êtes chez vous à la piscine? Non, je ne vais pas. Non. Alors toi, je sais que tu es très bon nageur, Nicolas. Tu vas jamais du... Jamais là, tu vas plus pas, avant, tu y allais? Si, avec les meufs avant. Ouais. Bon, ouais. Maintenant, j'y vais plus. J'y serai le D'accord. groupe. Bah, ça serait bien. Bah, ça serait bien, oui, de reprendre. Nicolas est un très bon nageur. Eh bien, écoute, Marion... Attends, je vais poser ma question. Non, après. Oh. Si on pouvait faire la première tour avec le Benoît. Merci. Eh oui. J'ai quoi, ça va pas. Pardi-ma-ni-yi-yim. Da-yut-kan. Qui résonne, un peuple, une foule à qui on ne pardonne. Un combat et des dépouilles, des cœurs qu'on emprisonne. Yeah, yeah, yeah, tous en zone de non-droit. Tant d'ennemis autour d'une même promesse. Faites aux citoyens du monde du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, les printemps n'ont de cesse. Yeah, yeah, yeah, d'enfermer des hommes droits, nos fascismes. Que l'on m'appelle l'homme et ses visions. Je rêve de jours meilleurs avec mes frères et sans distinction. Embrasser la colère et puis faire taire la révolution. Désarmer militaire et limiter le pouvoir des cons. Well, well, well. Que l'on m'appelle ainsi pour de bon. Je rêve de jours meilleurs aussi naïfs que mon opinion. Qu'on puisse croire en nous-mêmes. Je ne veux pas me nourrir d'illusions. Désarmer militaire et limiter le pouvoir des cons. Donc ça ne date pas d'hier. Non, non. War and revolution, le peuple est en colère. Ouais, ouais. Forward, same direction. Partout dans ce monde, il y a des voix qui résonnent. Un peuple, une foule à qui on ne pardonne. Un combat et des dépouilles, des cœurs qu'on emprisonne. Yeah, yeah, yeah. Tous en zone de non-droit. Tant d'ennemis autour d'une même promesse. Faites aux citoyens du monde du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, les printemps n'ont de cesse. Yeah, yeah, yeah, d'enfermer des hommes droits, nos fascismes. Mmh. Yeah, yeah, face au poids des larmes, j'ai la conviction qu'un jour on vivra dans le respect. Faut-il prier? Et ça, personne ne le sait. La preuve du contraire, quelques hommes le voudraient. Hey, choisissez vos directions. Hey, faites-nous part de vos intentions. Hey, car face au poids des traditions, il faut que l'on reste libre de choisir. Qui nous dirige et qui nous guide, même pour le pire. La démocratie ne peut se lire dans les livres. Encore un chapitre, une histoire, un souvenir. Yeah, yeah. Partout dans ce monde, il y a des voix qui résonnent. Un peuple, une foule à qui on ne pardonne. Un combat et des dépouilles, des cœurs qu'on emprisonne. Yeah, yeah, yeah. Tous en zone de non-droit. Tant d'ennemis autour d'une même promesse. Faites aux citoyens du monde du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, les printemps n'ont de cesse. Yeah, yeah, yeah. Enfermer des hommes droits, nos fascismes. Nos fascismes, là, là. Nos Voilà, la chanson de Benoît, donc on va lui demander qui c'est, ce qu'il chante, et ce que ça raconte. Alors du coup, le titre c'est « Partout dans ce monde » et le groupe c'est « Dub Incorporation ». Alors du coup, je l'avais choisi un petit peu parce qu'en plus c'était dans le thème avec un peu le travail qu'on peut faire au collège sur le respect. On avait vu aussi sur les droits de l'homme et... respect envers les autres, et voilà, du coup j'aime bien cette chanson, d'une part parce que je suis d'accord avec les paroles et avec le texte, Et puis j'ai ma grande fille qui adore la chanter tout le temps. Alors du coup, je m'étais dit que ça allait bien pour la radio pour aujourd'hui. Par rapport à tout ça. Mais serait peut-être bien de la chanter un petit peu. C'est une musique de vieux pour toi, ok. Une musique de jeune, c'est quoi là? Du rap, ok. Ouais, du rap. Oui, c'est ça. Bon, alors, on va continuer, Benoît. Les questions. Allez, Steven, moi j'aimerais te poser un peu des questions. Je t'écoute. Est-ce que ta famille t'aide à travailler chez toi? Alors, est-ce que ma famille m'aide à travailler chez moi? Alors, à travailler, donc tu veux dire travailler, faire le ménage, la cuisine, tout ça, ou plus travailler sur la maison, faire du bricolage? Faire du bricolage, oui, ça m'arrive. Alors, mes filles, non, parce que, enfin, ma grande fille, Zoa, m'aide à bricoler un petit peu. Mais en général, elle me fait plus de bazar et de pagaille quand même qu'elle m'aide vraiment à bricoler parce que bon, elle est encore petite. Mais sinon, oui, ma compagne m'aide à bricoler. On aime beaucoup bricoler sur la maison tous les deux. Hein. Ça te va comme réponse? Nicolas. Aimes-tu travailler dans l'atelier? Est-ce que j'aime travailler dans mon atelier? Alors, j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai un atelier, mais qui est plus en bazar qu'autre chose, mais j'aime beaucoup bricoler, oui. Alors, je bricole pas forcément dans mon atelier, j'aime bien bricoler dehors aussi, mais oui, j'aime bricoler, de manière générale, j'aime beaucoup ça. Oui. Juliana. As-tu des oncles et des tantes? Alors, je t'ai pas entendu, Juliana. Plus fort, Juliana. As-tu des oncles et des... As-tu des oncles et des oncles et tantes? Des oncles et tantes. Est-ce que j'ai des oncles et des tantes? Alors oui, j'ai j'ai trois oncles. Que beaucoup là. Ouais, on va dire trois oncles qui se sont mariés. J'ai des tatas. Enfin voilà. C'est beaucoup? Ah ouais, est-ce que c'est beaucoup pour vous? Non. C'est pas forcément. C'est ça dépend des familles. Normal, la famille normale. T'en as pas, Nicolas? Non. Ta maman, elle a pas de frères et sœurs. Elle a qu'une sœur. Alors, du coup, tu as une tante. Au moins une tante. Une tata, j'ai. Voilà. C'est pas une tante, moi. C'est ça, c'est la même chose. Alors, Christopher, vas-y. As-tu abonné à un magazine? Un magazine, non. Je ne suis pas abonné. Abonnement. J'ai pas d'abonnement à un magazine, non. Même pas de jardinage ou ça. Non, même pas. Je suis désolé de te décevoir, mais j'ai pas de revue de jardinage ou sur l'écologie. Voiture. Ah non, plus non, ouais. Non. J'ai rien de tout ça, désolé, Christophe. Il a fini. T'aurais pu lui demander à Benoît s'il aimait bien les voitures. T'aimes bien les voitures? Aimes-tu les voitures? Non, on voit que t'as jamais vu la mienne. Non, pas tellement. Non. C'est pas ce qui m'intéresse, je m'intéresse à d'autres choses que les voitures. Est-ce que ta voiture est électrique? Non, elle est pas électrique. Comment? Non. Pourquoi tu parles de voiture électrique? Je sais pas, j'imagine bien une voiture électrique, Benoît. Alors, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ton idée. Pourquoi? Vu que t'as quoi, je peux dire ça? Un écolo. J'aimerais bien avoir une voiture électrique. Alors, c'est pas très écologique au final. Voilà, les voitures électriques, c'est pas très écologique. Alors, après, on va pas faire tout un débat là-dessus, mais ça demande des batteries qui utilisent plein de matières qui sont pas forcément très écologiques. Donc, tu vois. Alors, je rappelle que Christopher aime bien me taquiner sur le fait que je sois un petit peu sensible à l'environnement, à l'écologie. Juliana, si tu voulais me poser une question. As-tu des frères et des sœurs? Alors oui, j'ai une sœur. Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Aurore, qui a 5 ans de plus que moi. Donc elle va avoir, 38 ans. Ça va lui faire plaisir que je dise ça à la radio. Et elle les aura bientôt, puisque je suis né le 2 juin et elle est née le 4 juin. Donc on a 5 ans de différence, mais nos anniversaires sont très rapprochés, à 2 jours près. À moi, Corinne. Nicolas, je t'écoute. Un papa et une maman. Alors oui, j'ai un papa et une maman. Oui, oui. Sinon, il serait j'ai... pas là, Benoît. Ah, mais je pense que la question peut-être que c'est est-ce que ils sont toujours là, mais oui, j'ai toujours mon papa et ma maman. Ouais, mon père s'appelle Dominique et ma mère Agnès. Agnès. C'est le voisin. Je suis ok. Alors j'ai joué au hockey. J'en ai fait longtemps. Quand j'avais votre âge, à peu près. Et puis maintenant, j'en fais plus, c'est plus l'activité. Voilà. Et puis, vu que voilà, j'ai pris de l'âge et je suis plus trop en état de faire du hockey, je crois. Ah, moi, dans le micro, Nicolas. Ouais. Es-tu déjà arrêté par les gendarmes? Est-ce que j'ai été arrêté par les gendarmes? Alors, est-ce qu'il faut que je le dise à la radio? Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends pour un contrôle de papier en conduisant? Oui, j'ai déjà été arrêté pour qu'ils me contrôlent les papiers. Mais après, j'ai jamais été arrêté pour aller en prison, si c'est ta question. Non, j'ai roulé trop vite. J'ai roulé trop vite. Alors peut-être que, oui, en effet, je me suis peut-être pris une amende ou deux un jour en étant en petit excès de vitesse. Hein, je sais pas, mais... Mais voilà, je me suis jamais fait arrêter par les gendarmes, non. Je viens de te sauver si t'es en prison. Ah bah c'est gentil. Je ferai le canard. Bon, j'espère pas aller en prison un jour. Satisfait de la réponse de Benoît. Oui. Oui. Bon, ouais, très bien. Le micro. Ça vous rassure. Es-tu des sorties? Alors, quand tu es en famille, tu veux dire oui quand t'as... Ben oui, je fais beaucoup de sorties. J'aime beaucoup la randonnée. C'est quoi? Donc on fait beaucoup de... Enfin, on a fait beaucoup de randonnées, on en fait moins maintenant, mais quand même, j'aime beaucoup sortir. J'ai beaucoup de mal à rester à l'intérieur quand je suis à la maison. J'aime bien sortir à l'extérieur, oui, j'aime pas... Et comme tu dis, Zinedine, j'aime pas être coincé. J'aime pas être coincé à l'intérieur. J'aime bien être à l'extérieur, profiter un petit peu. Hein ? Fais-tu de l'escalade ? Alors, oh là là, bah ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'aime beaucoup l'escalade, j'en ai fait pendant assez longtemps, et puis là je comptais m'y remettre justement un petit peu prochainement, cet été. Mais oui, j'en fais un petit peu, là ça fait un moment que j'en ai plus fait. Je crois Benoît que Christopher va nous faire tous les sports là. Non. Je m'y attends après les sujets sur l'écologie, ça va être le sport. Ouais. Donc on va laisser un peu les autres finir leur question. Moi. Nicolas. Vas-tu courir le matin? Est-ce que je vais courir le matin? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive quand j'ai pas le temps. Je préfère courir le matin plutôt que le soir. Mais bon, j'ai pas toujours le temps de le faire. Les week-ends, je cours principalement le matin. Ouais. Si on... Ça te va? Ouais. Oui. Steven, tu es bien là-bas. Aimes-tu ta maison? Ah ben, j'aime beaucoup ma maison, ouais. Heureusement d'ailleurs, parce que je vis dedans quand même la plupart du temps, j'y dors. Mais oui, j'aime beaucoup ma maison. Ouais. On l'a acheté il y a... Ça va faire 2 ans maintenant et ma maison me plaît beaucoup. J'ai la chance d'avoir une grande maison avec de l'espace. Ron, il a fini. Qui? Sophie, il a fini, mais il veut quand même en reparler. Non, mais ça fait un moment qu'il a fini, Sophie. Donc c'est les autres qui ont encore des questions. Juliana, je te vois lever la main. Qu'est-ce que tu fais chez toi pendant les vacances et le week-end? Qu'est-ce que je fais pendant mes vacances et week-ends? Plein de choses, tellement de choses. Je sais pas par où commencer. Eh ben là. Non, bah oui, je cours comme Christopher peut le mimer. Donc je disais que j'allais à la piscine avec mes filles et ma compagne. Je fais des randonnées. Je crois plein de sorties, j'aime beaucoup faire des sorties, enfin voilà, des soirées entre amis. Voilà, j'ai une vie au final en dehors de l'IME. Vous pensez des fois que nos vies se résument à l'IME, mais on fait des choses aussi le week-end, on se repose aussi parce que après avoir été fatigué toute la semaine par votre énergie débordante. Waco Daisy. Je crois que je bois un coup avec mes amis, je crois que c'est ça. Ah oui, ça peut être. Ouais, ça m'arrive. Et sur l'apéro du midi. Ça m'arrive. La l'apéro. Et puis boire un coup rime pas forcément, ça peut se faire avec modération. Hein. Vous avez tout de suite une image de boire un coup. Ah ouais, tu me vois boire des cocktails, ok. Pourquoi pas. Avec des raisins. Tu utilises des histoires avec tes enfants. Oui, alors oui, tous les jours. Ouais. Au moins tous les soirs, avant le coucher, j'en lis tous les jours. Quand je peux. Tu as lu aussi, non, les histoires de petit-petit? Non, moi, non. Mais oui. Si. Moi, pas moi. T'as jamais eu d'histoire de soir pour t'endormir? Non. Non, pas du tout. Bah dans tous les cas, vous devez en lire, puisqu'on va à la médiathèque une fois par semaine et vous prenez des livres. Ok, des game over. Pas moi. Pas moi, je me fais même des histoires. C'est vrai. On a une question. Allez. Sylvain, vas-y. Alors. As-tu une moto? Oh non, moto. Je n'ai pas de moto. Non, non, j'en ai pas. Qui c'est qui nous a dit il n'y a pas si longtemps qu'il avait une moto? Moi. Monsieur Ballant. Oui. Moi, j'avais dit. Oui, la casse et moto, dit. Il a cassé sa moto? Oui, toi. Ah non, j'ai pas cassé ma moto, j'en ai pas. Es-tu déjà tombé dans les pommes? Est-ce que je suis déjà tombé dans les pommes? Pas dans mes souvenirs. J'en ai pas le souvenir. Ah oui, il a fait... Ça m'est déjà arrivé de me sentir mal, de ne pas me sentir bien, mais j'ai pas le souvenir d'être vraiment tombé dans les pommes. Manger un petit bout de sucre, si vous ne sentez pas trop bien, une fois, un petit bout de sucre, ça remet. Vous êtes jamais tombé dans les pommes? Non. Eh ben, Noir. Camille, vas-y. Vas-tu en vacances? Alors, cet été? Ou en général, parce que en général, ça fait longtemps que je suis pas parti en vacances. Et là, cet été, oui, je pars. On part cet été à quelques semaines. On va partir en Bretagne. Est-ce que vous savez où ça se trouve, la Bretagne? C'est loin, la Bretagne. C'est loin. C'est loin. Alors, est-ce que c'est en France déjà, la Bretagne? Non. Qui? Ah bah, il va falloir quand même réviser la géo là un peu. Hein. C'est là qu'il boit beaucoup d'alcool en Bretagne. C'est là où il boit beaucoup. C'est là où il boit beaucoup d'alcool. Les Bretons. Je sais pas si il boit plus d'alcool que les Vosgiens ou que d'autres régions en France. Je sais pas. Ça. On boit beaucoup en Bretagne. Oui, c'est du rhum. Non. Qu'est-ce qu'on boit en Bretagne? Du coca. Avec des crêpes en général. Des crêpes. C'est fait avec à base de pommes. Du jus de pomme. Alors c'est du jus de pomme mais alcoolisé avec des bulles. De Red Bull. Ah là, je vous ai donné Red assez Bull. De pistes. Red Bull. Non, du cidre. Je ne sais pas si les Bretons boivent plus que les autres, mais voilà, j'irai en Bretagne. Et la Bretagne, c'est en France, pour reprendre, parce que vous disiez que c'était à l'étranger, mais on verra la géo quand même avec Justine. Hein. Je crois que la France, il va falloir... Oui, réviser. Nord, sud, ouest, est. Et c'est où alors? C'est à l'est, à l'ouest, au nord ou à l'ouest? Bien. Ah, très bien. C'est en l'est. En mer. C'est au bord de. C'est, il paraît béni. Au bord de l'océan. Bah, s'il fait bon, oui, j'espère. Tu vois, Camille? Oui, vas-y, Camille. Pourquoi tu n'es pas là tous les jours? Alors, pourquoi je ne suis pas tous les jours à l'IME? Oui. Parce que. Vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai eu un autre enfant, une petite fille qui s'appelle Yaël, qui va avoir 8 mois, dans quelques jours. Et donc j'ai décidé, puisque je pouvais me le permettre, j'ai décidé de réduire mon temps de travail à 80%. Ça veut dire que maintenant, je ne travaille plus les vendredis pour pouvoir prendre du temps et m'occuper de mes deux filles, Zoa et Yaël. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis plus là, vous me voyez plus les vendredis, parce que, ben, du coup, voilà, j'ai décidé de réduire un peu ce temps-là pour pouvoir m'en occuper. Ouais. J'ai une question. Je n'ai plus. Dis-moi, Steven. Aimes-tu ta famille? Ah ben, bien sûr, je l'aime. Je l'aime, ma famille. Je l'aime beaucoup. Dieu, j'espère que vous aussi, quand même, rassurez-moi. Oui. Enfin, pas ma famille, hein, vous les connaissez pas, mais j'espère que vous aimez vos familles quand même. Ben, je les aime beaucoup, je les aime de tout mon cœur. J'aime beaucoup mes filles, j'aime énormément ma compagne. Je pense que c'est important. C'est normal, c'est normal pour toi. Oui, j'ai une compagne qui s'appelle Chloé. Pourquoi voilà. Ah, pourquoi? Bah, l'amour. Et bah là, tu me poses une colle. Pourquoi j'aime ma compagne? Bah parce que c'est comment on pourrait dire, c'est mon amoureuse, parce qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est entendus, qu'on a fait énormément de choses, qu'on s'est plu. C'est ce qui s'appelle l'amour. Et je te le souhaite. Je pense qu'un jour tu rencontreras une personne que t'aimes. Pour plein de raisons, ça te gêne. Pour des milliers de raisons, et du coup, bah, c'est avec elle que j'ai décidé de construire ma famille. Et j'en suis très heureux. Oui. Voilà pourquoi. Toi, Steven, tu aimes tes parents. Oui. C'est pas le même amour hein, que Benoît avec Chloé, oui. Mais tu aimes tes parents. Oui. Pourquoi alors tu aimes tes parents? Question sympa. Ben voilà, elle va être contente parce qu'elle est sympa. Ça te parle plus. Eh ben non, une question. Attendez, parce qu'il est 46, je voudrais qu'on passe une chanson, celle de Juliana. Ami. Oui. Voilà, oui. Après on ira pour la dernière et puis on finira avec les questions. Merci Marion. Sa propre langue, très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien. Je veux qu'on aille loin et contraire. Je ne squatterai plus. Voilà, c'était la chanson de Juliana, Ami. Alors, on va finir avec les dernières questions. Alors, Juliana. Je t'écoute. Es-tu paxé? Alors, oui, en effet, je suis paxé. Je ne suis pas marié, mais je me suis paxé. Voilà. Ça fera un an cet été. Est-ce que tu sais ce que c'est le pax? Non. Attends, on va laisser Benoît. Oh là. Un contrat. Oui, c'est un contrat qui lie, on va dire, un couple et aussi, enfin, ça peut principalement être pratique pour tout ce qui est bien matériel et voilà, en cas de divorce, de séparation. Bah non, alors, du coup, on parle pas de divorce, mais plus de séparation. Un divorce, c'est quand on est marié, voilà. Mais c'est quelque chose qui va lier un couple, mais de manière administrative. Donc, on va dire sur papier et pas comme un mariage peut l'être au niveau religieux. C'est pas religieux, c'est juste administratif. Voilà. Et on l'a fait principalement pour le côté administratif, mais aussi parce que au niveau symbolique, on a voulu se paxer. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oui. Alors, voilà. Zinedine. Donc, tu voulais me demander. Et les papiers? Est-ce que je m'occupe des papiers? Oui. Des papiers à la maison, des papiers administratifs? Eh ben, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est plus Chloé, ma compagne, qui s'occupe de tout ce qui va être papier administratif, budget, gestion des comptes. Je dois avouer que là-dessus, je suis un peu... Moi, je te voyais bien pour t'occuper. Je suis un peu à la ramasse. Bah, tu vois, non, là, pour le coup, je dois avouer que je suis pas... Hop. Ah non, bah, je suis pas très dépensier. Puis du coup, puis j'avoue que c'est pas trop mon truc de gérer ça. Donc non, Zinedine, je le fais pas trop. Enfin, je le fais... Mais c'est plus ma compagne qui gère ça, je dois avouer. Tu es satisfait, Zinedine? Oui, j'ai répondu à ta question. Parle dans le micro, Zinedine. Oui. Oui. Vas-y, Juliana. Penses-tu rester à l'IME? L'avenir. Oui, l'avenir. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas, en tout cas, tant que j'y suis, tant que je suis à l'IME, c'est que je prends plaisir à travailler avec vous. Après, je peux pas te dire ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, cette année, je suis avec vous. Je ne sais pas ce que... Enfin, l'année prochaine, j'espère rester avec vous pour continuer le travail qu'on a mis en place cette année. Mais voilà, je ne sais, je peux pas te dire ce que l'avenir nous réserve. Vas-y, continue, Juliana. As-tu un animal de compagnie? Alors, un animal de compagnie... J'ai plus d'animal de compagnie là actuellement. J'avais un chat, mais soit il a décidé de partir ailleurs, soit il est parti un peu plus loin. Mais pour l'instant, non, j'en ai plus. Mais je compte en avoir prochainement, oui, de nouveau. Alors, Zinedine. Je sais. Alors, est-ce que... Zinedine. Si tu l'as un peu, est-ce que tu me parlais d'ici? C'est ça? D'ici de la radio? Et d'ici. Est-ce que je suis content d'être ici? Oui. Oui. Ah bah, je suis très content d'être ici avec vous. Je suis très content, ça faisait un moment, j'avais un peu d'appréhension. Je suis vraiment très content d'être là avec vous. Et puis ça me permet aussi de voir un petit peu comment se passe l'émission, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'écouter avant, puisque je suis sur une autre activité, je peux pas écouter la radio à ce moment-là. Oui, c'est voilà. Monsieur. Dis-moi, Juliana. Écoutes-tu de la musique? Oui, beaucoup. J'adore écouter de la musique, j'en fais aussi. Et du coup, c'est vraiment quelque et chose... C'est quoi Comment? C'est quoi comme musique t'écoutes? Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute énormément de styles différents, mais j'aime bien tout ce qui est musique du monde. J'aime beaucoup la musique du monde, ça peut être la chanson française, tout ce qu'on appelle chanson à texte, des chansons engagées. Vous savez ce que c'est engagé normalement, puisqu'on a étudié ça en art plat au collège lundi dernier. Voilà, j'aime un peu tout style de musique, j'aime un peu moins le rap, quoique ça dépend de quoi il parle. Je suis désolé de vous décevoir, les jeunes. Et puis un peu moins la variété qui peut passer à la radio, ça dépend quoi. Mais... Vas-y, continue, je t'écoute. Fais-tu de la cuisine? Ah oui, je cuisine beaucoup. À vrai dire, en fait, je cuisine tous les jours. C'est moi qui fais la cuisine à la maison. Ma compagne aime pas trop cuisiner, c'est pas son truc, et moi j'adore ça. Et j'ai eu la chance que mes parents m'apprennent à faire à manger, du coup j'y ai pris goût, et c'est moi qui fais à manger, donc oui, j'aime faire la cuisine, et à vrai dire, je fais à manger tous les jours. Est-ce que tu as d'autres questions, Juliana? Non, ça y est, c'est tout bon. Zinedine, tu as fini? Non. Ah bah non, vas-y. Alors. Des questions, oui, que tu fais. Enlève la main de devant ta tête, voilà. Vas-y. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais. Relève le micro, Zinedine. Vas-y, pose ta question. Des questions, des chachis. Alors, j'ai pas compris ta question, Zinedine. Avec des chachis, des chats. On a des six chats. Zinedine, tu parles devant le micro. Avec des six chats, toi. Quasi. Non. Des deux, toi. Ah, est-ce que je me suis déjà cassé une dent, oui. Voilà, c'est très personnel. Est-ce que j'ai un joker pour ça? Oui, ça, tu m'as aimé de me casser une dent. Ah, c'est pas une dent, mais... très personnel. T'es sûr, je crois, oui. C'est cassé une dent. Il s'est arraché une dent. Est-ce que vous avez... Alors, je me suis pas arraché une dent. Moi, une fois, j'ai fait cette dent. Il a une bougie. Ah, je l'ai arraché. Ah oui, oui, bah... T'es d'anglais, rassure-moi. Bon, alors, vous avez fini vos questions? Oui. Oui. Alors, moi, j'en ai une pour Benoît. Oula. Qu'est-ce qui t'anime dans ton travail, Benoît? Qu'est-ce qui m'anime dans mon travail? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu as envie de venir à Lyon? Alors, qu'est-ce qui fait? Eh ben, écoute, ce qui m'anime dans mon travail, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de l'IMU d'apprendre des choses, de pouvoir évoluer. Évoluer dans la vie de tous les jours pour que ça puisse vous aider pour votre avenir, pour votre futur. Je suis barbant, des fois je vous le répète tout le temps, mais ce qui m'anime dans mon travail, c'est de voir que bah, y a une évolution dans votre vie et que ça va vous permettre de vous aider et d'évoluer positivement, de pouvoir bah, par exemple à la fois sur le plan scolaire, ce qu'on fait avec Justine, d'apprendre à lire l'heure par exemple. Je suis très content de voir, Christopher, que tu as une montre, parce que ça veut dire que ça t'intéresse et que tu es content d'apprendre l'heure, mais c'est aussi apprendre à lire, apprendre à compter, tout ce qui va vous servir au final dans la vie de tous les jours. Et puis au niveau bah, des activités, de voir que vous avez quand même la chance en IME. Encore maintenant, on espère que ça durera, mais de pouvoir faire des activités différentes et de pouvoir vous épanouir dans tout ça, de faire du sport, d'aller à la radio, de rencontrer des gens, de faire des sorties. Et ça me plaît aussi de voir que vous évoluez dans le monde avec tout le monde de manière ordinaire, ce qui me paraît vraiment important. Voilà. Et puis j'espère que ça vous servira. Enfin, j'en suis persuadé, je suis sûr que ça vous servira pour l'avenir. Bien dit, Benoît. Très bien. Ça te convient, Corinne? Oui. Oui. Ouais, bon, bah, c'est bien. Alors, Benoît, il est 58. Oh là là, déjà. Le mot de la fin. Le mot de la fin? Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Un peu stressant, ça, tu sais entendre. Je m'attendais à plus de questions, un petit peu, à plus de piques, mais ça va. Je remercie les jeunes qui ont été quand même très sympas avec moi. Et puis, je suis vraiment heureux d'avoir pu découvrir un petit peu cette radio, parce que ça faisait un moment que j'en entendais parler. Mais je n'avais pas vu de quelle manière ça se passait. Donc voilà, je remercie tout le monde. Merci à la radio Guémozo de m'avoir invité également. Eh bien, nous allons remercier Benoît. D'être venu avec nous. Avec plaisir. Et nous allons saluer les auditeurs. La semaine prochaine, nous recevrons Sandrine, si tout va bien. Oui, je ne serai pas là. Il y a toujours des aléas. Hein. Et puis, oui, d'ailleurs que je remercie. Une bonne journée à tout le monde. Et merci encore, Benoît. Merci à vous. Au revoir. La micaouette me fait la tête.